falloir y aller. Allez, allons. Anesthésie, bientôt réveillé. Consoler ta vieillesse. Oh oui. Consoler ta vieillesse. Cœur trop endurci, si pauvre de nous autres, Dieu aura pu. ta vieillesse. Essayez de consoler ta vieillesse. Thank you. Thank you.